10h historique. Programme complet sur spacexawards.com. La première. Très bon samedi à vous, il est 11h. Les infos, Simon Bourgeois. Bonjour. Les travailleurs de Caterpillar et les sous-traitants manifesteront vendredi prochain à Charleroi. Les syndicats annoncent un grand rassemblement pour protester contre la fermeture de l'usine de Gosselies. D'ici là, plusieurs réunions au programme. Les travailleurs rencontrent la direction belge lundi et le gouvernement wallon rencontre la direction américaine mercredi notamment. Ce sont les journées du patrimoine ce week-end en Wallonie. Des églises, des moulins, des châteaux, des musées ouvrent leurs portes. En tout, plus de 900 sites ouverts au public, certains de manière exceptionnelle, avec au programme des visites guidées et des circuits découvertes. Le thème cette année, c'est le patrimoine religieux et culturel. Les journées du patrimoine, ce sera à Bruxelles. Ce sera le week-end prochain, pardon, à Bruxelles. Premier jour du pèlerinage musulman à la Mecque. Aujourd'hui, 1,5 million de marcheurs convergent vers la ville sainte en Arabie Saoudite. C'est le plus gros rassemblement humain au monde. L'année passée, une grosse bousculade avait fait plus de 2000 morts. Le gouvernement saoudien a renforcé les mesures de sécurité cette année pour ne plus que ça se produise. Une trêve en vue en Syrie. Américains et Russes se sont mis d'accord cette nuit. Les deux grandes puissances soutiennent chacune un camp, le régime de Bachar al-Assad et l'opposition. Elles ont décidé un cessez-le-feu à partir de lundi. Objectif, relancer le processus de paix et lutter ensemble contre les groupes djihadistes. Si cette trêve tient au moins une semaine, Washington et Moscou pourraient bien mener des frappes coordonnées dans le pays. On termine avec un petit mot de tennis. Finale de l'US Open, ce sera Novak Djokovic contre le Suisse Stan Wawrinka demain à New York. Chez les dames, finale ce soir avec à l'affiche la nouvelle numéro 1 mondiale Angélique Kerber contre Karolina Pliskova. Début du match tout à l'heure à 22h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite un très bon week-end à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et on passe à table tout de suite sur la première avec vous, Sophie Moon, c'est oui, bientôt à table. Simon, nous parlerons de miel, de miam, petites abeilles belges et pas des chinoises. Et puis nous parlerons d'un portail internet pour mettre en relation les producteurs wallons et les consommateurs. Vous me donnez envie de rester. Voilà les amis, jusque midi. La première. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go. Wouh! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. Même pas trop. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct, direct, direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4 000 € d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. La première, la 3 et le Festival des Libertés présentent Alborosi, Dabin, Collectif 13 et Boulevard Désert, Ojos de Brojo, Michael Franti, DJ Shadow, mais aussi Azaf Avidan en formule solo acoustique. Du 20 au 29 octobre au Théâtre National. Festivaldeslibertés.be. Prévente, Fnac et Ticketmaster. Une organisation de Bruxelles Laïque avec Le Soir et le Vifle Express. Vous avez entendu ça? Ce sont les journées colossales chez Colishop, avec des réductions énormes jusqu'à moins 50% sur les ustensiles de cuisine, les casseroles et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info, ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir, l'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230 € sur l'avenir.net/rentrée. La Une et La Première présentent le concours des Caius de Promethea. Votre entreprise est engagée et citoyenne? Vous participez à des initiatives culturelles ou de patrimoine? Vous aussi gagnez un prix Caius. Il récompense depuis plus de 25 ans les entreprises contribuant au développement culturel et patrimonial. Plus d'infos sur promethea.be. C'est quoi ton numéro de portable? Les survivants, avec Fabrice Ronjon et Erika Sainte. Portable, un appareil pour communiquer. Vous avez ça en prison, non? Je suis pas de portable. Peut-on se libérer de son passé? Les survivants, une coproduction RTBF en salle actuellement. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes, ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mounz. Bonjour à tous, bienvenue à notre table du samedi, du bon, du goût, du local. Tout cela, c'est pour vous, jusque midi. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Ce matin, dans Bientôt à table, tout sur le miel et sur une abeille de chez nous. Après le fromage de Herve au lait cru et le sirop artisanal de Herve et du pays de SB, l'abeille noire belge, Carlo, vient d'être érigée au rang de sentinelle slow food. Une démarche pour ainsi remettre en avant des produits de tradition et des filières en danger. Le miel de chez nous et surtout notre petite abeille noire belge, nous en parlons ce matin avec un apiculteur. Il s'appelle Martin Dermine, il est responsable de la sentinelle de l'abeille noire belge. Bonjour Martin. Bonjour Sophie. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, du bon miel de chez nous. Voilà, j'ai amené deux pots, un pot de miel de tilleul et un pot de miel de ronce. Donc, tous deux produits à Bruxelles et dans les environs. Nous en parlerons. À vos côtés, Patrick Botcher, évidemment, porte-parole de Slow Food. Slow Food qui donc travaille beaucoup à la préservation de notre patrimoine. Vous viendrez un petit peu nous expliquer ce qui se passe en matière de petites abeilles belges. Bonjour, nous parlerons Sophie. Aussi, Carlo, oui. Eh bien, d'une très très chouette initiative, un portail pour ainsi mettre en relation les producteurs de chez nous, producteurs wallons, et nous, les consommateurs. Ça s'appelle Wallomed. Et nous en parlerons avec Pascal de près, qui est l'initiateur de cette chouette, chouette initiative. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Et oui, le circuit court, le contact direct au consommateur, c'est vraiment la clé de notre alimentation. Vous nous ferez découvrir tout cela. Vos questions, vos réactions, évidemment, sont les bienvenues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook Bientôt à table, La Première RTBF. Bientôt à table sur La Première. Bien, Carlo, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite parenthèse sur une actualité de la semaine qui a fait couler beaucoup d'encre. Le distributeur Deleuze n'a évidemment pas ménagé ses effets d'annonce pour annoncer la création sur le toit d'un supermarché en région bruxelloise d'un jardin potager urbain. Moi, je me suis dit, mais quand voilà une bonne idée, qu'elle est bonne. Ils ont senti le vent, puis surtout, ils nous ont écouté la semaine dernière. Hein, l'agriculture urbaine, on disait, elle a le vent en poupe. On rappelle les projets en cours en région bruxelloise. Anderlecht, un projet basé sur l'aquaponie. Je rappelle ce que c'est l'aquaponie, c'est de faire pousser des plantes avec la flotte où les poissons font caca dedans, en gros. Sur le site des abattoirs, on l'a dit. Le projet que nous avons accueilli la semaine dernière, qui s'appelle Peace and Love, sur les toits du magasin Caméléon, ici en région bruxelloise aussi. Et puis donc, cette semaine, ils ont dérangé le CEO de Deleuze. Mm-hmm. Il y a la ministre Céline Frémaux de la région bruxelloise qui était là. Ils sont allés ensemble couper des rubans sur une belle toiture de magasin. Alors, la question qui brûle les lèvres, Carlo, c'est effet d'annonce, greenwashing ou vrai projet urbain, durable, citoyen, clé de notre alimentation des prochaines années? Allez, les trois, les deux et demi. Les distributeurs sont tous en train d'y aller de leur petit couplet sur la durabilité. Quand on pense aux milliers de tonnes de légumes calibrés, hors saison, pesticidés, espagnolisés, que vendent tous ces distributeurs chaque année, si on avait un tant soit peu de mauvais esprit, mais nous n'avons pas de mauvais esprit, on dirait que déplacer des ministres pour 320 m² de futures tomates cerises, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais, je l'ai dit, nous n'avons pas de mauvais esprit. Au contraire, nous allons saluer l'initiative tout en regardant bien de près comment ça va se mettre en place et surtout si ça va se multiplier, ces 320 mètres carrés. Mais justement, le projet, il consiste en quoi, Carlo? Voilà. Sur le toit, on met des cultures. Moitié serre, moitié dehors. Et on met quoi? Des tomates, cerises, des aubergines. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Des salades. Et tout sera vendu dans le magasin. Quel bol! Un circuit ultra court, ça. Il suffit de descendre, les trucs en bas, c'est pas beautiful. Et on va se dire, dingue, les tomates, cerises et les aubergines n'auront plus besoin d'être transportées en camion. C'est là qu'on se calme tout de suite. Car si on fait un petit calcul estimatif rapide en extrapolant la surface, la productivité, tutti quanti, ça devrait leur faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dans le magasin sur l'année. Mmh. Bon, c'est vraiment calculé avec mes petits moyens à moi. Hein. Alors, ils promettent de vendre cela moins cher que le bio habituel, même si on rappelle qu'ils n'auront pas droit au label bio, parce que ça va être du hors-sol, on en a parlé la semaine prochaine. Je me pose quand même la question du modèle économique qui est derrière. Hein. Si tant est que ce toit respecte les saisons, il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, les clients, quelle réaction ils vont avoir quand ils vont comparer l'offre normale de distributeurs, c'est-à-dire les kilomètres de tomates qu'il y a chaque année, et ce qu'il y aura sur le toit. Mais ils vont enfin se poser les bonnes questions. Mais évidemment, c'est pas plus donc mal. Peut-être que indirectement, ils sont plus éducatifs que ce qu'ils croient. Exactement. Et donc. Oui. Deleuze, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben oui. Parce qu'on leur a demandé, on a beaucoup parlé avec eux. Ben, au point de vue du modèle économique, c'est trop tôt, on va voir, etc. Mais effectivement, ce qu'on peut se dire, nous, en tant que consommateurs et en tant que commentateurs, c'est que vu la goutte d'eau que ça représente dans l'océan de ce qu'ils font, ils peuvent même se permettre de faire ça à perte si ça sert leurs propos. Mmh. Nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ces toitures vertes vont se multiplier sur leurs magasins et comme on dit en bruxellois, wait and see. Oui, mais est-ce qu'on peut souligner d'autres éléments sur ce projet ? Parce que moi, je trouve que même s'il y a un effet d'annonce et que c'est très évidemment. Bon, voilà, puisque la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui, hein, ben, ils ont bien réussi le coup, les petits malins. En même temps, ça fait avancer les choses, ça permet aux urbains de renouer avec le cycle des saisons, aller avec les enfants sur le toit, aller prendre sa salade. On peut leur reprocher certaines choses, mais en même temps, ça fait avancer la chose, non ? Ben oui. Et en fait, il y a un truc réjouissant, ouais. C'est qu'il y a une volonté affichée, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse, c'est de se connecter avec le quartier, les écoles, les habitants, etc. Et c'est là une des grandes vertus de l'agriculture urbaine, sur toiture, sur murs verticaux, c'est vraiment la vertu éducative exemplative. En conclusion, je conclue rapidement, c'est une initiative certes qui est à forte image, certes à suivre de près, et qui pose une question, Sophie, on y reviendra je pense dans les 100 prochaines émissions, les questions c'est quoi la meilleure agriculture urbaine pour nos villes en Belgique. Des toits verts avec de la culture hors sol, des bacs, des jardins dans la ville, la terre de la ville d'ailleurs, est-ce qu'elle est viable ? Des jardins périurbains en ceinture verte, chacun son lopin de terre, des potagers collectifs, une agriculture urbaine intensive, des serres chauffées éclairées comme au Japon, des murs végétaux comme à Singapour où les salades sont vendues au prix de leur faim, un mix de tout ça. Moi je sais pas, si vous savez, je pense qu'on ne sait pas encore quel est le bon modèle, mais en tout cas on regardera ça de près. Et effectivement, on salue quand même une initiative sympa, si tant est qu'elle soit évidemment prolongée et multipliée. Évidemment. Petit tour de table peut-être avec nos invités. Bon, Patrick Botcher, porte-parole de Slow Food. Vous, ça vous interpelle ? Ça vous réjouit ce genre d'initiative ? Vous vous dites non, c'est de l'enfumage ? Non, toute initiative urbaine, ça me réjouit. Ouais. Après, j'aime bien le côté wait and see. On a des aubergines, on a des tomates, c'est très sexy aujourd'hui. Je suis quand même curieux de voir en janvier ce qu'il y aura. Est-ce que ça serait aussi sexy ? Et puis, est-ce qu'ils vont multiplier les expériences sur d'autres magasins ? Mais ça peut quand même stimuler la réflexion des clients, comme disait Carlo. Actuellement, je préfère dire oui, et puis on verra. Oui. Patrick Deprez, vous êtes le créateur... Deprez ? Pascal. Pascal. Vous êtes le créateur de ce portail Wallomade. Oui. Donc, autant dire que les questions alimentaires vous touchent, vous interpellent. Voilà, entendre qu'une grande surface... installe un jardin potager sur son toit. Ça, en tant que consommateur, ça vous parle ? Ça Je pense que c'est une très bonne initiative qui vient compléter d'autres systèmes déjà existants. Maintenant, bon, c'est pas nouveau non plus, puisqu'on voit ça dans beaucoup d'autres villes en Europe. Mais je pense que c'est une initiative qui est sympathique, qui est à souligner. Maintenant, il faudra voir effectivement, avec le temps, si ça fonctionnera et si ça va se multiplier, parce que c'est loin d'être si simple que ça. Notre apiculteur souhaitait réagir, Martin Dermine. Oui, mais comme disait Carlo, il faudra voir dans le temps si ce n'est pas juste un effet d'annonce. Ouais. On observe la même chose avec les ruches, c'est de plus en plus... Il y en a énormément sur les toits. Sur les toits en ville. Mmh. Et en fait... Il y a des sociétés qui font ça juste comme greenwashing pour le mettre sur leur site internet et d'autres qui ont vraiment une démarche d'éducation de leurs employés, ils plantent des fleurs en même temps, c'est quelque chose de beaucoup plus global, donc il y a vraiment de tout et comme disait Carlo, il faut suivre. Voilà, 11h13, petite pause musique avec Norah Jones, Carry On et juste après nous parlerons de miel belge et de petites abeilles. C'est bien non ? Mais c'est joli. Allez. After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Oh, qu'on est bien ce matin. Oui, hein? Alors, vous dégustez du miel, là, Carlo, oui. Miel de Bruxelles et du Brabant. Alors, racontez-nous, ça donne quoi, cette dégustation matinale? D'abord, j'adore manger le miel à la cuillère. C'est un peu comme la confiture, c'est toujours meilleur. C'est addictif, que... hein, en plus. Oui, et puis c'est toujours meilleur que le matin, comme ça on goûte bien. J'aime bien les miels liquides, ce que j'aime beaucoup dans son miel. Il faut savoir, on a un miel, le miel de Bruxelles est liquide, le miel de Brabant, il est légèrement cristallisé. Oui. J'ai posé la question à Martin avant l'émission. Martin Dermine, notre apiculteur du jour. L'apiculteur qui a produit ce miel de Brabant. Ce qui est intéressant, c'est que le miel cristallisé, il faut le travailler pour qu'il soit bon. Il faut le malaxer. C'est un peu comme le beurre. Et donc là, il a une texture très très bonne. Au niveau des parfums, il n'y a pas quelque chose qui me saute aux yeux de type de parfum, mais j'ai peut-être le nez un petit peu en panne. Mais je peux dire qu'il est très très bon, mais je ne peux pas te dire que ça sent l'aubépine. Mais en tout cas, ce qu'on va découvrir, c'est que nous pouvons produire pas mal de miel très très intéressant au niveau organoleptique. On en parlera dans quelques instants. J'ai fait venir aujourd'hui notre apiculteur Martin Dermine. C'est un jeune gars absolument passionné. Et il fait partie de la fondation de protection de la sentinelle de l'abeille noire belge. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une abeille belge, d'abord. C'est une grande découverte. Elle est tout à fait belge ou elle est européenne? Elle est européenne. À la base, c'est l'abeille noire européenne. D'accord. Qui se trouvait du nord des Pyrénées, nord des Alpes, jusqu'en Scandinavie. Et progressivement, des apiculteurs ont importé des reines d'Italie, du sud de la Slovénie, etc. Ce qui a fait que notre abeille noire s'est métissée. Elle s'est bien adaptée, en fait. Et l'abeille noire, en fait, c'est l'abeille qui est adaptée au climat local, comme l'abeille italienne qui est jaune, comme Maya l'abeille, est adaptée au climat italien. Et donc, elle n'était pas adaptée chez nous. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on a importé ces abeilles qui se sont croisées avec notre abeille locale qui, progressivement, a perdu ses caractéristiques d'adaptation à un climat froid, à des hivers parfois longs. Et donc, on a de la chance qu'il y ait une association appelée Medifica en Belgique qui conserve sur la commune de Chimay l'abeille noire et qui la protège. Oui, mais elle n'est pas qu'à Chimay, puisque vous produisez ce miel de l'abeille noire à Bruxelles et en Brabant aussi. Donc, tout à fait, il y a des apiculteurs un peu partout en Belgique qui travaillent encore avec l'abeille noire. Mais la commune de Chimay a la particularité d'avoir fait un règlement communal qui interdit la présence d'une autre race que l'abeille noire sur son territoire. En même temps, on ne peut pas contrôler ça. Comment est-ce qu'on peut contrôler ça? En fait, le monde apicole est quand même assez petit et donc les apiculteurs savent très vite s'il y a des ruches d'autres races. J'ai une question pour Martin, c'est de Béotien. Hein. Comment ça se passe en fait? Moi, je croyais que les abeilles étaient dans la nature. Enfin, non, je ne croyais pas, je le sais, mais elles ne sont pas dans la nature. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va? On va chez un marchand d'œufs d'abeilles pour dire je voudrais des œufs d'abeilles noires pour mettre dans mes ruches. Comment ça marche pour implanter une variété? Alors, ce qui fait la génétique d'une ruche, c'est la reine. Donc, si vous avez une ruche d'abeille italienne, vous retirez la reine, vous mettez une reine d'abeille noire à la place, et votre colonie, en quelques semaines, les abeilles vont être remplacées. Une purification ethnique très rapide. Voilà, oui, c'est joliment dit, Carlo. On va pas rentrer peut-être dans les détails trop techniques et qui appartiennent vraiment au petit monde des apiculteurs, mais ce qui nous intéresse ici, en l'occurrence, c'est Patrick Butcher qui m'en a parlé. Vous faites partie de l'association Slow Food, et Slow Food vient d'ériger cette abeille noire belge au rang de sentinelle sentinelles. Sentinelles, ça fait penser à des petites guerrières, là. Qu'est-ce qui se passe pour, c'est quoi ce titre de sentinelle? Oui, on vous explique. En fait, d'abord, Slow Food a un catalogue produit oui. dans le monde entier qui s'appelle l'Arche du Goût. Oui. Là-dedans, on a mis dans ce catalogue tous les produits qui font partie du patrimoine gastronomique de toutes les régions, de tous les pays. On est présent dans le monde entier. Et quelquefois, dans ces produits originaux, il y en a qui sont menacés de disparition. Ouais. Et là, on lance de très gros dossiers pour essayer vraiment de mettre ce produit en évidence. Et on crée ces espèces de sentinelles. En fait, sentinelles, ce sont des postes de garde ouais. que nous mettons pour vraiment préserver ces produits. Donc ça veut dire, vous allez protéger une filière, toute une filière professionnelle aussi, qui travaille, qui œuvre. Je pense par exemple au fromage de Hervé cru, au sirop artisanal d'Aubel, etc. Vous les aidez concrètement. Oui, tout à fait. La filière, c'est un producteur. Oui, c'est d'abord, plus qu'une productrice. On va créer d'abord un espace de coordination ouais. avec des coordinateurs comme lui, comme mon voisin, qui va évidemment créer le dossier. Parce que nous, on n'est pas spécialistes de chaque produit, donc on a vraiment besoin de la collaboration de ces producteurs. Et quand le dossier est fait, on a une charte auquel les producteurs vont s'attacher et on va avoir vraiment un produit bien défini. Quand on disait sélection, biodiversité, il faut savoir que l'abeille noire, elle est marquée génétiquement, elle est marquée au niveau de l'ADN mitochondrial, donc on sait vraiment isoler, on sait vraiment dire que c'est vraiment une abeille noire, même s'il y a des variétés génétiques d'une zone à l'autre. Elle est aussi effectivement adaptée à notre région, au niveau résistance au froid, à l'humidité. Donc, c'est vraiment une abeille locale, c'est quelque chose qu'on voulait garder. Protéger, parce qu'en fait, alors, on est une des dernières zones. Vous me disiez hors antenne, Martin Dermine, que donc, cette abeille noire s'est particulièrement bien adaptée au climat belge, et grâce à cela, elle n'avait pas besoin, par exemple, de sirop de nourrissement. Et donc, c'est plutôt très très bon, ça, pour la qualité finale du miel. Ça fait déjà partie. Qu'on comprenne bien, nous, en tant que consommateurs, ça change quoi pour nous, quoi, en fait? Donc, en fait, les abeilles ont besoin de réserves pour passer l'hiver. Mmh. Donc, en hiver, elles restent bien sagement dans leur ruche. Elles forment ce qu'on appelle la grappe hivernale. Oui. Elles passent l'hiver en consommant leurs réserves. Et donc, si vous prenez une abeille italienne qui est habituée au chaud, qui, dans son code génétique, la colonie est active de février jusqu'à novembre parce qu'elle vient de régions beaucoup plus chaudes, elle va avoir besoin de réserves très importantes. Par exemple, 20 kilos de provisions dans la ruche en hiver. Du sucre, en gros. Voilà, et on rajoute du sucre produit à partir de betteraves, produit à partir de pesticides qui tuent les abeilles elles-mêmes. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Alors que notre abeille locale, elle va se contenter de 10 kilos de provisions. Il arrive que les apiculteurs doivent compléter, mais c'est très peu. En général, elle se suffit à elle-même. Et donc, c'est une apiculture aussi beaucoup plus respectueuse d'accord. de l'environnement. Martin, mais pour comprendre, pourquoi les apiculteurs sont allés chercher des vilaines abeilles italiennes? Plus productives Elles font du meilleur miel? Elles font quoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que lorsque vous croisez deux races d'abeilles ou deux races d'animaux de production, la première génération, ça s'appelle l'effet d'hétérosis, produit beaucoup plus. Donc au début, on était très content avec les croisements. On avait plus de miel. Mais rapidement, on se rend compte également ça des défauts. En fait, c'est comme le blanc-bleu belge, cette histoire. Tout à fait. C'est un peu la même chose, le blanc-bleu belge ou d'autres variétés. Ça produit. Puis finalement, après, il faut mettre des anabolisants pour que ça marche. Quoi. Enfin, c'est pas vrai, on ne met pas des anabolisants sur le bœuf, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important de travailler avec les races locales, parce qu'elles sont plus rustiques, elles ont moins besoin de traitements, de sirop, etc. Alors, l'abeille noire en danger, mais j'ai envie de dire, pas qu'elle, en fait, de ce qu'on entend aujourd'hui et très régulièrement, c'est que les ruches aujourd'hui sont en réel danger. On pointe souvent les pesticides, notamment pulvérisés dans les campagnes. On dit d'ailleurs que les ruches dans les villes se portent bien mieux que les ruches dans les campagnes. Donc en fait, c'est un problème global que cette extinction progressive de l'abeille, non? Tout à fait. En fait, les mortalités concernent tant l'abeille locale que les autres races d'abeilles en Belgique. Et il y a deux problèmes principaux. Un problème, c'est notre modèle agricole. Pas que les pesticides, le modèle agricole. Extensif. Parce que vous parliez des villes, mais en fait, les ruches en ville produisent même souvent plus de miel miel qu'à la campagne. Parce qu'il y a une diversité. Parce qu'il y a plus de fleurs, il y a des tilleuls, des arbres, etc. Ouais. Alors qu'à la campagne, quand vous avez une monoculture, oui, vous avez une belle récolte de colza, parce qu'il y a du colza partout, c'est jaune fluo partout en avril. Mais après, c'est un désert de biodiversité. C'est un comble quand même. Hein. Et donc, l'abeille a besoin d'être nourrie au sirop. Patrick Botcher, réaction, oui, c'est au food. Il faudrait quand même faire comprendre aussi que cette abeille noire, si on en parle aujourd'hui, qu'elle a pu être préservée, c'est parce que dans la zone principale de production, du côté de Chimay, il y a très très peu de champs, il y a très très peu de zones où il y a des pesticides. Finalement, il y a beaucoup de bocages et de forêts. Et donc, ce n'est pas pour rien que finalement, qu'au centre de cette sentinelle, il y a la ville de Chimay et les producteurs qui sont périphériques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux apiculteurs qui travaillent avec cette abeille noire belge ? Je vais y arriver. Alors, au sein de l'association Mellifica, il y a environ 200 à 250 membres. Ouais. Il y a aussi des apiculteurs qui travaillent en abeille noire qui ne sont pas membres. Mais par contre, la Sentinelle Slow Food, donc il faut respecter un cahier des charges et c'est strict. Là, pour le moment, on a une dizaine d'apiculteurs et c'est en train d'augmenter. Alors, on a pas mal de questions. D'abord une question, mais vraiment de base, mais je vais quand même vous la poser. Le miel, finalement, c'est quoi ? Ce que vous sortez là de la ruche lorsque vous faites ce travail, vous enfumez véritablement. C'est quoi exactement ? Et qu'est-ce que vous en faites pour obtenir ces miels, soit liquides, soit plus cristallisés ? D'accord, donc le miel, c'est majoritairement du nectar. Donc les abeilles vont butiner les fleurs qui produisent cette sécrétion sucrée pour attirer les pollinisateurs qui les fécondent. Elle ramène le nectar à la ruche et à la ruche, elle le ventile pour qu'il perde de l'eau. D'accord. Pour avoir du miel, il faut qu'il y ait très peu d'eau dedans. Une fois que le miel est suffisamment « sec », entre guillemets, l'apiculteur prélève dans la ruche les cadres de miel mûrs. Il le ramène à la miellerie. Là, il retire la fine couche de cire, donc l'opercule, des cadres, on le met dans une centrifugeuse, on filtre le miel après extraction. Et puis, en général, on ne met pas le miel liquide en pot, parce que tous les miels, à part le miel d'acacia, cristallisent. Et donc, si on laisse le miel cristalliser en pot tout seul, soit ça va vous donner un miel béton qui ne sera même pas possible de retirer avec un couteau, ou alors ça donnera un miel avec une granulation très grossière, on aura l'impression de manger du sucre cristallisé, c'est pas très agréable sur sa tartine. Et donc, on malaxe, on mélange le miel pendant qu'il cristallise, pour qu'il arrive à avoir une texture tartinable et une granulation fine. Et vous malaxez combien de temps combien ça dépend d'un miel à l'autre, d'un apiculteur à l'autre, ça peut être deux fois par jour si c'est fait manuellement, ou toutes les heures si c'est fait automatiquement. Mais ça, c'est vraiment le vrai secret de fabrication du miel. Donc, on malaxe pour obtenir une texture qui soit tartinable, bien qu'il y ait quand même des miels qui soient un petit peu plus résistants, plus fermes. Oui. Comment ça se passe dans les miels industriels ? Parce qu'on a pas mal de demandes là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on fait en plus ou qu'on fait de moins Alors, le miel industriel, si vous achetez un pot dans un supermarché aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous achetez un autre pot de miel industriel chez un concurrent, ça sera le même goût. Parce que c'est... En gros, c'est plus du miel. C'est le goût miel. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des miels produits en Chine majoritairement. On sait que le miel qui vient de Chine est adultéré. Donc, dedans, il y a déjà une partie qui n'est pas du miel, mais du sucre. Et les abeilles ne butinent pas forcément des fleurs. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe ? Un miel adultéré ? Donc, les Chinois sont toujours un peu en avance sur les agences anti-fraude. Oui. Donc, ils arrivent, on sait parfaitement quelle est la composition du miel. Et donc, ils produisent industriellement, à partir de sucre de betterave, par exemple, les sucres présents dans le miel. Et donc, ils rajoutent ça, ils font un mélange. Et donc, miel est adultéré. Et est détectable par les agences fraude. Et actuellement, on arrive... On est en retard sur la détection de ces fraudes. Donc, lorsque vous allez au supermarché, vous regardez sur votre pot de miel... Ce qui est écrit, il y a mis origine EC, non EC. Ouais. Donc, Union européenne, UE ou EC. C'est souvent la Chine, donc. Et en majorité, c'est du miel chinois. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils chauffent ce miel, ils le reliquéfient. Et donc, il faut savoir que quand on chauffe le miel perd ses arômes. Les arômes du miel sont très fins et très volatiles. Et ils le remélangent, et donc, ils le mettent en pot. Et donc, vous aurez un miel avec très peu de goût, parce que les arômes sont partis, tartinable, donc agréable à utiliser, mais c'est plus vraiment du miel, parce qu'il a perdu finalement son essence, ses arômes. Johan me dit, un comble pour les créateurs de Maya l'abeille. Les créatures, oui. Enfin, c'est pas les créatures, oui. Ils ont récupéré l'image de Maya l'abeille, ouais. Tant pis pour elle. Oui, ils n'auraient pas dû la voir. Mais c'est vrai que le problème de l'origine des miels, Carlo, hors Union et intra-Union européenne, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, ça ne nous dit absolument pas qui est l'apiculteur, où est-ce que le miel a été récolté, comment il a été travaillé. C'est dingue, quand même. Le miel, c'est un problème, c'est comme les épices. C'est parce qu'il n'y a pas de labellisation. Il y a des miels... Il y a des miels IGP, AOP, mais effectivement, il n'y a pas de labellisation. Et c'est vrai que là, où tout à l'heure on a parlé de durabilité et de grande surface, s'il y a bien un domaine où ils sont encore un peu à la traîne, c'est vraiment le rayon miel. Mmh. Le rayon miel en grande surface, il est vraiment souvent déprimant. Vous avez de temps en temps un petit accessite un peu mieux si vous achetez un produit bio dont vous pourrez voir qu'il est d'origine Union Européenne. Mais le problème du miel, c'est que vous devez faire confiance aux courtiers en miel. On a déjà reçu dans cette émission Xavier Renaud, qui est un garçon qui fait du miel de Bruxelles lui aussi, mais qui achète des miels dans toute l'Europe. Et lui, on sait parce qu'on le connaît et parce qu'on connaît ses brouillonnements, et en plus c'est un très grand malaxeur de miel, il fait des miels avec une texture extraordinaire, mais simplement, on doit lui faire confiance. C'est origine Sicile, je sais pas, je prends un exemple au hasard que je connais pas, mais que j'invente, origine Sicile, miel de carotte, tu dois faire confiance au producteur, t'as pas le choix. Oui, mais c'est toujours... déjà, on connaît le gars. Mais j'ai plus envie de faire confiance à lui qu'à Maya. Carole nous envoie un message. Elle nous dit « Acheter du miel bio, d'accord, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que les abeilles n'aient pas été butinées à un champ de pesticides, hein. C'est pas faux, en même temps. Est-ce que là, il n'y a pas un label bio européen, il y a des règles, je ne sais plus exactement, mais il faut être dans un environnement suffisamment naturel, avec une exposition aux pesticides moindre. En même temps, vous êtes apiculteur et qu'à 2 km, il y a un champ blindé de pesticides, abeilles y aller. Si c'est du colza aux pesticides, elles risquent d'aller dessus, ça c'est sûr. Donc voilà, plutôt des miels artisanaux faits par des apiculteurs. En plus, en Belgique, il y en a pas mal. Je me souviens qu'il y a quelques années, on me disait qu'il y avait une demande de reconnaissance IGP miel de Wallonie qui était en cours. On en est où ? Elle est toujours en cours. C'est lent quand même. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas les rois de l'IGP en Belgique. Mais c'est dingue ça. Mais ça avance. Parce que moi, je serais contente d'avoir un bon miel wallon, c'est voilà. Mais il y a du miel wallon, oui, c'est non, pas mais un problème là. Voilà, qui est une indication claire et nette pour le consommateur. Mais dites, voilà, ça vient de chez Martin, moi. Martin, si vous mettez miel de Bruxelles sur votre miel, si c'est pas le cas, c'est une fraude. Donc, oui, bien sûr. Donc on ose, voilà. En tout cas, il y a déjà un label, c'est Mellifica, on sait au moins que c'est un label belge. Et comme on a bien mangé local dans cette émission, cherchons du label Mellifica. Tout à fait. Et donc si on veut aller voir ces producteurs qui travaillent avec l'abeille noire, on peut aller sur le site web mieldenoir.be. Miel de noir. Et là, il y a la liste des producteurs. Mais il faut quand même savoir qu'au-delà des associations, etc., de plus en plus, je parlais justement hier, je suis tombé à Hyde sur un ami apiculteur, de plus en plus d'apiculteurs, sans forcément être déjà dans l'association, réintroduisent, comme disait très justement Martin, remettent des rennes noires dans des abeilles et ont donc ont des races qui sont en train de se repurifier vers la noire. C'est un processus qui touche pas mal de monde. Jean nous envoie un message qui est assez intéressant. À partir de quand est-ce qu'on a domestiqué cette abeille ? À partir de quand on n'est plus allé récolter le miel de ces abeilles sauvages ? À partir de quand on a créé les ruches ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'on situe ça plus ou moins ? Je sais que les Égyptiens déjà travaillaient sur des amphores. On n'a pas une date exacte, mais les Égyptiens... attirait les essaims d'abeilles naturelles dans des amphores en terre cuite et donc les laissait butiner dans la vallée du Nil et en fin de saison ils soupesaient chaque amphore et celle qui était la plus lourde, donc la plus pleine de miel, ils les enfumaient pour faire partir toutes les abeilles et ils récoltaient le miel comme ça. Oui, donc c'est un procédé ancestral. Carlo, le miel en cuisine, parce qu'on a, vous l'imaginez, pas mal de demandes, on a presque envie de leur dire, au moins on va le toucher ce miel au mieux que ce sera. Je trouve, alors ça c'est vraiment très personnel, chacun se fera son avis, mais je trouve que le miel en cuisine c'est quand même un produit extraordinaire en finition. Exactement. C'est-à-dire que tout ce que vous faites de laqué au miel, caramélisé au miel, sauté au miel, flambé au miel, enfin tout ce que vous voulez, comme l'a dit très justement Martin, eh bien on perd les fameuses qualités organoleptiques du miel. Donc vous pouvez même faire ça avec du miel bas de gamme. En revanche, dans les desserts, et on s'inspire du monde oriental, par exemple, nous avons mis dans le livre Bientôt à table, il y en a, vous souvenez-vous, une petite recette. C'est vrai qu'on a publié un livre bouquin, Bientôt à table, à la renaissance du livre, toujours dans les bonnes librairies. Exactement, il y a une recette qui m'a été inspirée par mon ami Constantin Erin Koglou du restaurant Notos en région bruxelloise. Restaurant grec, voilà, c'est fouetter un yaourt. Vous faites un mélange miel-citron, vous le fouettez, donc vous avez un liquide à la fois acide et sucré, et après vous refouettez un très bon yaourt de type yaourt grec dedans, et donc vous fouettez, ça devient un petit peu aérien, et vous servez ça avec des fruits confits ou une confiture de cerise, et puis alors... Donc un yaourt bien entier, hein. Oui, un yaourt entier, ferme, grec, mais en fouettant, ça va s'aérer. Et après, vous terminez, vous prenez des fruits secs que vous torréfiez, vous les concassez, une cuillère de confiture de cerise, par exemple, bien noire, et c'est quand même plutôt sympathique. Et sinon, le miel dans la cuisine, que ce soit sur le fromage, par exemple, c'est bien. Même si le fromage est chaud, le fameux chèvre chaud au miel d'acacia, dans les années 80... Mais dans les années 80, c'est arrivé comme le messie, mais ne faites pas chauffer le miel au four, c'est vraiment en finition sur le miel, sur le fromage chaud, vous laissez tomber. Alors moi, j'ai un truc qui me rend fou. C'est pas vrai. Si, il y a un truc qui me rend fou, c'est le miel d'argousier. C'est un miel d'une baie qui a la particularité d'avoir un goût très amer. Mmh. Et ce miel-là, avec un fromage de brebis salé, et ça, le contraste, je trouve absolument formidable. Mais je pense que Martin a d'autres idées. Oui, attendez, juste Jean qui nous envoie un petit message. Fidèle auditeur, j'adore le miel de châtaignier sur les recettes automnales. Effectivement, parce que avant de laisser Martin nous donner ses recettes, vous me parliez hors antenne d'une recette de poulet, enfin de peau de poulet caramélisée au miel. C'est le teriyaki. Ouais. Alors effectivement, c'est la sauce teriyaki qui est vraiment une spécialité japonaise. Et donc quand vous faites des blancs de poulet, que vous enlevez la peau, par exemple, on prend la peau, on la fait rissoler, on la fait croustiller, ça lâche du gras, et on rajoute à ça de la sauce soja et encore un ingrédient qui m'échappe, du mirin, je pense, donc du vin de riz sucré. Vous aurez toutes les proportions sur la page Facebook et sur le site La Première. Bien sûr. Et à la fin, on rajoute une cuillère de miel pour encore sucrer. Mais à la fin, donc on ne fait pas bouillir le miel, et cette sauce teriyaki, c'est absolument merveilleux pour à mettre sur des brochettes, des tas de choses. On peut prendre, j'aime bien faire ça souvent, hein, on en parle souvent, prendre des sauces d'Asie notamment, des façons de faire d'Asie, et puis les adapter, réimporter dans notre cuisine à nous. La recette est en ligne en ce moment même sur le site lapremière.be. Et puis après sur le riz. Et on est ravis parce que toutes les recettes qu'on poste chaque semaine sur le site cartonnent. Je voulais juste donner, revenir sur votre recette de yaourt au miel. On vend aujourd'hui du miel avec, vous savez, à côté, le petit pot de miel à côté. Vous savez, on achète des yaourts avec le miel. Ça coûte cher d'abord le miel, vous ne savez pas d'où il vient, il n'est pas de très bonne qualité souvent. Alors, achetez un bon yaourt, achetez un bon miel et vous faites votre popote vous-même. Conseil de chroniqueur conso, hein, c'est regarder toujours le prix au kilo. Évidemment. Des trucs qu'on vous vend tout assemblé, c'est en général scandaleux. Voilà, Damien nous envoie un petit message, un autre label de miel wallon, promiel.be est en cours, une IGP devrait être opérationnelle en 2017. Bon, ben ça bouge. Damien, notre apiculteur, vous avez, vous, des idées de recettes? Martin. Vous l'avez baptisé déjà de trois noms aujourd'hui. Oui, j'aime beaucoup. Mais justement, pour ne pas cuire le miel, faire de la glace au miel. Voilà. Alors, pour ça, il faut avoir un miel liquide, donc qui garde tous ses arômes. Et donc, vous faites votre glace, une crème anglaise. Mm-hmm. Et puis, quand elle est déjà bien refroidie, on rajoute le miel liquide pour justement que les arômes ne se volatilisent pas. On met tout ça dans la sorbetière et c'est vraiment délicieux. Et quand on met en bouche cette glace, on a justement tous ces arômes qui se développent dans la bouche. C'est et alors, il y a aussi une recette de petits biscuits au miel, Martin. Voilà, pour mes enfants, pour le goûter, je fais des biscuits aux épices, donc cannelle, noix de muscade, miel. Genre spéculoos, quoi. Ouais. Voilà, mais avec un peu plus de beurre, comme ça les calme. Bon beurre de ferme. Et ça, c'est aussi très bon. Voilà, rendez-vous sur le site lapremière.be, émission bientôt à table pour découvrir toutes ces recettes. Anne nous envoie une question. Quand le miel est vieux et qu'il se dissocie, que doit-on faire? Alors, quand il se dissocie, vous pouvez, tant qu'il n'y a pas de bulles dedans, on peut le manger, c'est qu'il est toujours de bonne qualité. Si vous voulez ne plus avoir cet aspect, le problème c'est que la dissociation, ça va aller de mal en pis. Et du coup, la partie solide va être de plus en plus granuleuse, ça sera désagréable à utiliser. Donc l'idéal, c'est de le refondre, même si on va perdre une partie de ses qualités. Et vous le refondez organoleptiques, donc au bain-marie, le moins chaud possible, 40 degrés. Pas au micro-ondes. Non, surtout pas D'accord. au micro-ondes. Ouais. Et alors l'utiliser le plus rapidement possible, parce que ça veut dire quand même qu'il vieillit, D'accord. et donc qu'il risque de se mettre à fermenter à un moment. Et une question qui nous arrive, quelle différence entre un miel liquide et cristallisé? C'est quoi, comment on obtient cette texture différente? On l'obtient pas. Ouais. Si vous allez au supermarché et qu'ils vous vendent du miel liquide, c'est que c'est du miel qui a été chauffé, D'accord. donc il n'y a plus beaucoup d'arômes. Ouais. Tous les miels sont liquides à la base, ouais. à part le miel d'acacia, tous les miels vont cristalliser. Il y a toujours un moment où ça va durcir. D'accord. Donc même votre miel là de Bruxelles, qui voilà. est liquide, va cristalliser à un moment. Tout à fait. Il a été récolté il y a un mois et demi. Ouais. Donc il est encore liquide, mais d'ici deux mois, il va être cristallisé. Patrick nous demande, est-ce qu'à l'instar du vin, un miel peut vieillir non. et le encore miel des... ne non. bonifie pas. Non. Avec, il faut faire de l'hydromel avant. Ah, l'hydromel, c'est bon ça, on peut peut-être en dire un mot. Xavier Renaud, notre apiculteur, qu'on a déjà reçu dans cette émission, produit son hydromel. C'est une boisson donc à base de miel. Et d'eau. La boisson des dieux. La boisson des dieux, bien sûr. C'est gaulois. Ouais. Et il paraît que ça devient très tendance dans les cocktails, l'hydromel. Ouais, mais c'est vraiment, franchement, il faut redécouvrir l'hydromel. C'est vrai que c'est un truc vraiment confidentiel, ouais. mais ça existe en version sèche, enfin sec, mm-hmm. et en version moelleux, et avec un dessert. Voilà, les desserts dont on a parlé, ou bien en ce moment, c'est la saison des mirabelles. Oui, et donc, juste. La mirabelle, elle a déjà un goût naturel de miel quand elle veut bien être mûre. Et donc, imaginez, faites un petit fromage blanc avec des mirabelles, une cuillère de miel et un petit verre frais d'hydromel sucré. Ça devrait être pas mal. Mmh. Une petite question qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, mais j'ai quand même la relayée. Claudine qui demande s'il resterait des producteurs de Reine Claude crottés en Belgique. Si vous en êtes, envoyez-nous, faites-nous signe, parce que je pense que ça, voilà, c'est du, je ne sais même pas ce que c'est, moi. Oui. Bah, c'est une Reine Claude, c'est une prune. Oui, d'accord, mais crottée, c'est quoi? Elle doit avoir une forme particulière et une localité particulière. Voilà. Donc, je propose qu'on cherche la réponse encore, pour la semaine prochaine. On découvre encore des choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'offrir un tout petit peu de pub, et puis juste après, nous parlerons rien que du très bon et du local en plus de ça. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à midi, Transversale avec Olivier Nederland. La mémoire au cœur d'un numéro spécial ce samedi. Nous allons nous souvenir de la Shoah à la veille des cérémonies à l'ancienne caserne d'Ossin de Malines. Plusieurs milliers de Juifs y ont été enfermés, comme à Brendonck, avant d'être exterminés dans les camps. Entre témoignages et archives, le devoir de mémoire ce samedi dans Transversale. Transversale de midi à 13h sur la première et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h. Info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. J'ai vu un Samsung Galaxy J5 pour 9€. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Voici les résultats semestriels de Belfius. 600 000 élèves bien assurés à l'école. 53 projets Smart pour construire la Belgique de demain. 131 000 nouveaux clients actifs. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ou même une nouvelle maison de soins dans votre quartier. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. Un problème, Camille? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions alors? Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Futuro et l'avenir.net. 11h. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Mouns. Bientôt à table, c'est du bon, c'est du belge. Tu veux découvrir les meilleurs produits wallons? Alors tu dois surfer sur wallomade.com. Grâce à Wallomade, les artisans et producteurs de la région te présentent directement leurs produits. Et toi, tu n'as plus qu'à faire ton choix selon tes critères de qualité et de proximité. Wallomade défend le commerce local pour que tu puisses apprécier les meilleurs produits achetés à la source, en direct et sans intermédiaire. Et voilà, acheter à la source, en direct, sans intermédiaire. Ça, c'est du spot. On dirait que c'est nous qui l'avons pondu, ce texte. Eh bien non, c'est pas nous, c'est un jeune gars, il s'appelle Pascal Depray. Je fais quand même gaffe maintenant, parce que j'ai corné tellement de noms aujourd'hui. Pascal Depray, vous êtes... Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le créateur de cette plateforme internet Wallomade, ça veut dire très clairement, voilà, on est sur du produit wallon et c'est produit chez nous. C'est un projet né de votre imagination. Vous êtes donc un jeune consommateur de 38 ans, passionné du bien manger, pour recréer un maillage entre nos producteurs qu'on a un petit peu oublié et nous, les consommateurs. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est tout à fait ça l'idée. Donc en fait, le projet est né d'une simple constatation. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les producteurs locaux sont en souffrance. Et l'idée était de les remettre à l'honneur, de les valoriser. Donc j'en ai rencontré plusieurs, j'en ai beaucoup discuté avec eux. Et deux idées sont ressorties, bizarrement c'était toujours les mêmes. Leur souhait c'était de pouvoir retrouver les gens dans leur production pour leur expliquer leur mode de fonctionnement, comment ils travaillent, et quelle est la qualité de leurs produits. Et surtout, regagner des marges. Puisqu'aujourd'hui, les producteurs sont en perte de régime, non pas parce que les gens consomment moins, mais bien parce que tous les intermédiaires prennent des marges à la source et même on en a un parfait exemple avec les producteurs de lait. Récemment en France, la semaine dernière, ils étaient en fronde et ils ont mis en avant justement ces marges dingues que se prenait la grande distribution sur leur production. Ouais. Donc c'est ça. Donc c'est limiter au maximum. En fait, c'est de leur permettre de vivre correctement finalement. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. Oui. Et en tant que consommateur, vous aviez des problèmes, vous, à entrer en contact avec ces producteurs de chez nous ? Alors, la grande difficulté, et je pense que c'est celle que tout le monde rencontre, c'est de trouver le temps d'aller les rencontrer. On est tous en train de courir dans tous les sens, avec le travail, l'école, faire les courses. Ça prend aussi pas mal de temps. Comme tout le monde, j'avais ces difficultés-là. Et puis je me suis dit, pourquoi pas retourner à la ferme, comme je le faisais il y a 20-25 ans, quand j'étais petit avec mes parents. Et j'ai redécouvert plein de choses que j'avais oubliées, simplement parce qu'on suit le mouvement, parce qu'on écoute ce que la publicité veut bien nous dire. Et je pense qu'il faut faire vraiment un retour aux sources. Quoi. Alors, vous avez créé ce portail, Wallomade. Oui. Racontez-nous, ça se passe comment ? Donc, il y a d'un côté des producteurs, vous avez été voir chacun. Est-ce qu'il y a des apiculteurs ? Est-ce qu'il y a des apiculteurs ? Il y en a déjà deux. Il y aura bientôt vous, Martin. C'est pas mal, ça. Et donc, voilà, ces producteurs donc, vont adhérer à une charte dans laquelle ils acceptent de dévoiler un petit peu les coulisses de production. C'est ça, d'abord. C'est de faire connaître le produit, leur travail, que ce soit du maraîchage, de l'élevage ou de la production de viennoiserie, par exemple. Tout à fait. Voilà. Mais donc, la charte, elle n'est pas restrictive. Le but pour moi, sur Wallomade, c'est de ne pas prendre tout et n'importe quoi. La charte demande simplement aux producteurs de proposer leurs produits sans faire de mélange, puisqu'aujourd'hui on sait quand même que beaucoup de producteurs trichent, de proposer donc leurs produits, qu'ils soient frais, qu'ils puissent expliquer aux consommateurs d'où ils viennent, comment ils sont faits, qu'est-ce qu'on a mis dessus. Donc la charte elle est relativement simple. D'accord, une parfaite vision du produit, c'est déjà une bonne chose. Et puis pour le consommateur, ça se passe comment ? Donc moi je vais surfer sur wallomade.be, c'est ça ? .be, oui. Voilà. Et qu'est-ce que je peux trouver ? Sur le site, là, aujourd'hui, vous allez trouver trois choses. Donc, là, pour le moment, ce que je suis en train de développer le plus possible, c'est l'annuaire des producteurs. Donc, aujourd'hui, on a presque 500 producteurs qui sont déjà listés dans l'annuaire. D'accord. Le but final, c'est vraiment de pouvoir rassembler un maximum de producteurs wallons, afin que tout un chacun, chaque consommateur, puisse via l'interface, en tapant simplement son code postal, voir tout ce qui est... Tout ce qui est près de chez nous. Voilà, tout ce qui est près de chez nous. Pas mal. Et de cette manière-là, pouvoir lui faire la démarche d'aller voir le producteur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment une présentation détaillée des producteurs. Donc, ceux qui veulent aller plus loin dans la démarche Wallomade, on les présente et on fait un relais vers leur site s'il existe déjà. Et la troisième partie, ben, c'est la partie e-commerce. Donc, comme je suis issu du monde de l'informatique, je suis allé plus loin dans le développement et j'ai la possibilité de proposer à chaque producteur un e-commerce qui lui est vraiment individualisé. Donc, on peut commander, par exemple, un panier de légumes chez le producteur X, Y ou Z via votre portail. Ça lui coûte combien au producteur ? Au producteur, ça lui coûte rien du tout. Attention, je vais quand même m'expliquer. Vous êtes philanthrope. Donc non, en fait, comme la plateforme a vraiment été prévue pour qu'il n'y ait aucun prélèvement de marge dans les transactions. Mmh. Donc, je peux commander 12 000 tonnes de salade, vous ne prenez rien là-dessus. Voilà, exactement. Voilà. Donc le producteur est en contact direct avec le consommateur. Moi, je n'interviens en rien dans la, dans la chaîne commerciale. Là où moi je vais m'y retrouver, ça va prendre du temps, c'est en fait simplement sur le fait que si un producteur veut adhérer à la deuxième ou à la troisième solution, c'est-à-dire le détail ou l'e-commerce. Eh bien il y a un travail de production de ma part en termes de création de site. Et en termes de référencement. Parce c'est que ça, donc il y a une cotisation d'adhérents. Voilà, une cotisation annuelle. Oui, ce qui est assez logique et malgré de, tout. Et de maintien de, de l'outil commercial. Voilà, mais donc vous ne prenez pas de marge sur les transactions. Aucune. C'est ça. Donc c'est, c'est intéressant de nos jours, ce genre de choses. Exactement. Quand on parle d'ubérisation de l'économie, etc., et des histoires de restaurants à domicile et tout, qu'il n'y ait pas de marge, c'est intéressant. Et aujourd'hui, vous allez encore démarcher, enfin démarcher, c'est peut-être pas le mot, vous allez rencontrer tous ces producteurs wallons. Vous êtes bien accueillis ? Ils sont contents de trouver écho à cette cause, tout finalement ? Tout à fait. Donc en fait, j'ai fait le test hier. Hier, je suis allé à Soigny. Il y a une halle qui a lieu tous les vendredis où certains producteurs sont présents pour vendre directement leurs produits. Et donc je suis allé les rencontrer hier et j'ai eu vraiment un retour ultra positif puisque tous les producteurs présents avaient entendu parler de moi et ils m'ont tous dit « Ok, rajoute-nous sur la nuée. » Ah oui, mais c'est génial, donc ça bouge bien. Patrick Butcher, Slow Food, ça, c'est tout bon pour vous. Je suis ravi. Embrassez-le. Oui, oui, en fait on a un slogan qui s'appelle de la fourche à la fourchette. Bah oui, quand on dit ça, les gens ils nous prennent pour des illuminés. On dit « Mais c'est pas possible, on ne sait pas trouver d'endroit où aller acheter. » Bon, quand il y a une initiative comme Wallomate, je trouve ça génial. Si on pouvait un peu l'ouvrir à Bruxelles, ça serait encore mieux. Bruxelles à moins et même déjà. La Flandre. Et en fait, vous savez, il faudrait en venir à des systèmes comme ça, locaux, partout dans le monde. Je pense qu'on est allé trop loin dans le délire. Recentrons-nous J'ai un petit peu. Pour, on a des choses. Oui. Mais laissez-moi parler, bon sang. Ah bah pour une fois. Ah tiens. Alex, vous vouliez dire. Non, je me mets à la place du consommateur, vous voyez. Et donc. Par exemple, si un producteur fait appel à votre système pour l'e-commerce, quelles garanties vous allez donner pour l'acheminement des marchandises, etc. Alors, vous n'y êtes pas, vous ne garantissez pas. Donc aujourd'hui, vous êtes un metteur en contact. Exactement. Hein exactement. Je suis juste un intermédiaire. Voilà. Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est une relation commerciale qui va être chaque fois entre le consommateur et le producteur. Tout à fait. En direct. Et ça s'appelle wallomade.be. Et c'est bravo, continuez. Vous n'en êtes qu'au début. Hein. Oui, ça a été lancé il y a 10 jours à peine. Oui, ça a fait beaucoup d'écho, j'ai entendu autour de moi plein de gens qui ont été zioté tout ça. Voilà, donc j'espère que dans les prochaines années, vous aurez des milliers de producteurs et que nos producteurs seront enfin heureux et que nous aussi, du coup. Mais ils sont déjà heureux. Alors, avant de se quitter, on va quand même évoquer quelques chouettes rendez-vous parce que ça bouge beaucoup en matière d'alimentation. Ce week-end, Eat Brussels. Exactement. Ça se passe. Bordeaux. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que du mauvais à Bordeaux. Il y a des démarches, il y a une jeunesse qui reprend un peu le truc en main. On va quand même le souligner, ils en sont d'ailleurs. Voilà. Eat Brussels, aujourd'hui, demain, vous en serez ? Alors, ça se passe où ? Ça se passe au Parc Royal. Voilà. Il y a pas mal de restaurateurs. Le Notos, le restaurant Racine, le restaurant Beaux-Arts, le nouveau restaurant de David Martin, et j'en oublie. Ouais. Et donc, le prix, c'est 9 euros par dégustation. Mais il y a des passes où ça coûte un petit peu moins cher. Et dans les passes, il y a aussi, on peut boire du Bordeaux jusqu'à plus soif. Et aussi des apéritifs à base d'un apéritif italien de couleur rouge. Et il y aura également... Alors, moi, j'y suis à titre caritatif. Aujourd'hui, je fais des pâtes à 9 euros à la Matriciana au profit intégral de tous victimes. Les bénéfices seront reversés à des associations qui s'occupent des victimes du tremblement de terre en Italie, où on sait que la ville d'Amatrice a été particulièrement touchée. Donc, il y aura de la joue de cochon et de la tomate. Semaine prochaine, toujours à Bruxelles, on ira zioter du côté de la Wallonie les prochaines semaines, parce que ça va aussi beaucoup bouger. Bruxelles Champêtre, Patrick Butcher, vous en serez. On peut peut-être brièvement dire Bruxelles Champêtre ? Bruxelles Champêtre, c'est, je pense, plus de 90 exposants de tout le pays et même de France qui viennent faire déguster au public des produits bons, propres et justes, vraiment dans l'esprit slow food, dans l'esprit bio. Et pour la première fois, en tout cas pour notre convivium, on sera présent en force parce qu'on vient avec 18 exposants dans un village vraiment estampillé Bruxelles. Mmh. Donc des artisans bruxellois, des chefs de l'Alliance Slow Food des chefs, plein de produits à déguster, des conférences, de l'animation musicale, des concerts. On sera sur la place des Palais, donc vraiment au bord de Bruxelles Champêtre. Et on vous invite à venir. Il y aura de la grosse ambiance, il y aura de la bière, de la Cantillon, Brasserie de la Seine. Ah, bah alors. Vraiment, il ne faut pas rater ça. Ok, donc ce sera le week-end prochain Bruxelles Champêtre. Voilà, Carlo, on se retrouve samedi prochain en grande forme, bien sûr, entendu. On fait quoi? Comme ça, là, comme ça, je ne sais plus. Voilà. On fera du bon, on fera du très très bon. On fait toujours du très bon. Ah si, on va parler d'un boucher extraordinaire, il n'est pas du tout connu, est formidable. Écoutez, il est formidable, découverte. Je l'aime. Déjà ? Je ne peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire que ça va saliver. À suivre les amis sur la première transversale, dans quelques minutes, le grand oral des 13h15, Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie, bourgmestre en titre de Charleroi, seront les invités de Jacques Remers, sera l'invité de Jacques Remers. 14h, Marc Danval, la troisième oreille, un petit peu de musique qui va nous détendre sous le soleil. C'est ça aussi, la première, un peu de tout pour nous faire du bien aux oreilles et au moral. Merci à tous d'être passés parmi nous. Je vous souhaite une belle journée et promouvons le produit wallon. Il faut promouvoir. Cocorico. Voilà. T'es trop fort, Simon. J'étais pourtant bien caché. Ouais. Qui aurait pu croire que je me plairais autant chez Harmonia ? Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonia est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service ? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0800 93 430 ou sur harmonia.be. Harmonia, le bonheur à tout âge. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une TV LED Full HD Samsung pour 499 euros seulement. Soit 150 euros de moins. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où ? Il est où le bonheur ? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. simplicité sur toute la ligne. La première vous invite à l'avant-première de La Danseuse, une fresque éblouissante sur la chorégraphe Loïc Fuller, avec Soko, Gaspard Liel, Mélanie Thierry, François Damiens et Lily-Rose Depp. Vous avez été éblouissante. Pour y assister le 13 septembre à Beaux-Arts, en présence de Soko, 0905 56 474 56 par appel. En télé, sur la une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT, sur la une. Voir et revoir, rtbf.be/ovio. La première, météo. Très belle journée à tous. L'après-midi va être estival avec des températures de 23 à 27 degrés sous un soleil radieux. En fin de journée, le voile nuageux va se faire plus dense sur l'ouest du pays, ce qui annonce l'arrivée d'une perturbation. Cette perturbation qui va nous toucher ce soir et qui nous donnera quelques faibles pluies dans le courant de la nuit. Les températures cette nuit iront de 13 à 16 degrés. Demain dimanche, on aura donc une journée plus nuageuse, peut-être encore quelques gouttes dans la matinée, mais il fera déjà plus sec dans l'après-midi. Le mercure, cette fois, ira de 20 à 24 degrés. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon appétit, il est midi. Les infos, Simon Bourgeois. Bonjour. Ce sont les journées du patrimoine en Wallonie aujourd'hui. Plus de 900 sites sont ouverts au public. Le thème cette année, c'est le patrimoine religieux et philosophique. Du coup, beaucoup d'églises, d'abbayes et de chapelles au programme, évidemment. Et puis des circuits découvertes aussi à Liège, par exemple. Les chevins du patrimoine, Michel Firquet, en organise deux pour découvrir des clochers dont certains sont classés. Nous avons décidé de faire un focus sur quelques perles. Et donc, il y a deux circuits qui sont proposés. Il y a un circuit qui s'intitule « De la chapelle Saint-Roch à Juppy jusqu'à l'église Saint-Pierre et Paul de Droix ». Là, il y a quatre rendez-vous tout à fait étonnant, qu'on pratique peu. Puis alors, il y avait un circuit qui s'imposait, c'est celui des collégiales. Voilà, il s'impose parce que disposé sur son territoire, en plein cœur de ville, qui plus est, de sept collégiales classées patrimoine exceptionnel, qui peuvent faire l'objet d'un circuit pédestre parce qu'elles sont toutes dans le centre urbain, c'est fantastique. Les chevins du patrimoine de Liège au micro de Bénédicte Allier. Les journées du patrimoine, c'est donc aujourd'hui et demain en Wallonie. Ce sera le week-end prochain à Bruxelles. Et si vous préférez aller à la mer aujourd'hui en voiture, attention, deux accidents sur l'autoroute E40 vers Ostende. Il y a plus d'une heure d'embouteillage. Le parti politique Islam doit modifier ses tracts et son site internet sur l'abattage des moutons. L'association de défense des animaux Gaïa gagne donc en justice. Le parti incitait les musulmans à tuer un mouton chez eux. C'est illégal. Ils ont distribué des milliers de prospectus à Anvers et à Bruxelles. Ils doivent modifier leur communication et préciser que l'abattage ne peut se faire que dans un abattoir autorisé. Pour Gaïa, le parti Islam mentait sur le bien-être animal. Une trêve en vue en Syrie. Américains et Russes se sont mis d'accord cette nuit. Les deux grandes puissances soutiennent chacune un camp, le régime de Bachar al-Assad et l'opposition. Elles ont décidé d'un cessez-le-feu à partir de lundi. Objectif relancer le processus de paix et lutter ensemble contre les groupes djihadistes. Si cette trêve tient au moins une semaine, Washington et Moscou pourraient bien mener des frappes coordonnées en Syrie. L'ONU s'apprête à sanctionner la Corée du Nord pour son essai nucléaire d'hier. Le Conseil de sécurité planche pour le moment sur les modalités de ces sanctions. Les grandes puissances mondiales, États-Unis en tête, sont particulièrement inquiètes de la capacité nucléaire nord-coréenne de plus en plus importante. L'ONU sanctionne à chaque essai Pyongyang qui continue pourtant ses essais nucléaires. C'était le cinquième hier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi et presque 3 minutes. Je vous souhaite un très bon samedi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et on continue tout de suite sur La Première avec Transversal et Olivier Nederland. Ça se passe sur La Première. Tout à l'heure, à 13h, le grand oral RTBF le soir, Jacques Remers. Que peut vraiment le politique face à la décision de la multinationale américaine Caterpillar? Le ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette, expose sa stratégie et il nous dit ce qu'il pense des propositions avancées par les différents partis politiques. Une foire aux idées pas toujours réaliste. Le grand oral RTBF le soir, de 13h à 14h sur La Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ov. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Slava narodu победителю. J'entame cette nouvelle année plein d'espoir. I will do everything in my power, President. qu'on fera incontestablement le du centre droit. L'acte d'accusation est lourd. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. La première. Midi 13h, le samedi. Transversal. Avec Olivier Nederland. Bonjour à tous et bienvenue. La mémoire, ce midi, au cœur de Transversal. La mémoire, le devoir de mémoire à l'occasion des cérémonies du souvenir à l'ancienne caserne d'Ossin. C'est à Malines. Ces cérémonies se tiennent ce week-end, comme chaque année, pour ne pas oublier que, pendant la guerre, 25 000 juifs et tziganes sont passés par cette caserne pour y être déportés ensuite vers les camps de concentration vers l'Est. Nous allons aujourd'hui nous souvenir de ces moments, la caserne d'Ossin, mais aussi le fort de Brendonck, non loin de là, où des milliers de personnes ont aussi été enfermées. Deux endroits particulièrement sinistres, devenus aujourd'hui lieux de souvenirs et de recueillement. Bienvenue dans le magazine de reportage des rédactions de la RTBF. Transversal sur la première. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Dachau, Sobibor, mais également Brendonck et Dossin chez nous, autant de lieux qui aujourd'hui restent synonymes d'horreur. Dans la première moitié des années 40, près de 25 000 juifs et tziganes, hommes, femmes, enfants, sont donc déportés de Belgique.